Section 2, chapitre 2. Promenade. La pluie a cessé et la chaleur est venue avec le soleil. Néanmoins, nous voilà partis dans Yokohama à la recherche des impressions, et chaque pas nous révèle un fait inconnu, un contour nouveau, un type ignoré, un costume imprévu. Regardons bien. Nous venons de constater que le moindre séjour dans un pays aussi étrange suffit à blaser l'attention. Les Européens que nous avons trouvés à l'hôtel nous ont certifié que la ville était sans intérêt. N'ont-ils pas su voir ou ont-ils oublié? Regardons bien, tout est charmant. Mais comment noter ces détails infinis et tous nouveaux? Félix a son crayon, mais il le laisse dormir dans sa poche, ne sachant par quel bout prendre cette nature harmonieuse et fantasque. Moi j'ai mon calepin, mais qu'en faire? Il y aurait un volume à écrire rien que sur le premier chemin que nous suivons. Ce chemin longe un canal peuplé de barques et de bateliers, bordé de pêcheurs à la ligne, dominé sur la gauche par des collines boisées dont les grands cèdres, couverts de corbeaux, projettent dans le ciel et sur les horizons bleuâtres des silhouettes vigoureuses. Au milieu des arbres, on aperçoit des temples grands et petits. Quelques-uns sont de simples niches peintes en rouge. De larges escaliers de pierre escaladent la forêt et font deviner sur la hauteur d'autres lieux sacrés. De grosses lanternes de pierre, taureaux, et des portes saintes, torii, en pierre ou en bois, se cachent dans la verdure. À droite s'étend la ville européenne, à laquelle le canal sert d'enceinte et de limite, mais une ville européenne peuplée de Japonais et de Chinois. Les Chinois passent graves et affairés. Leurs vêtements, composés d'une camisole et d'un large pantalon, sont de couleur claire, gris-perle, bleu tendre et blanc. Il est vrai que nous sommes en été. Leur teint mat, nullement jaune, se confond avec les étoffes qu'ils portent. Sur cet ensemble fade, trois touches d'encre. Les souliers, de satin noir, à bouts carrés et relevés, à grosses semelles blanches, la calotte en satin noir également, surmontée d'un bouton rouge et s'enlevant avec vigueur sur le crâne blanc et rasé. Enfin, la longue queue tressée, mêlée de soie noire, blanche ou bleue, et qui tombe jusqu'au mollet. Vu de dos, un Chinois semble partagé en deux par un point d'exclamation délicat et allongé, symbole de l'étonnement que son bizarre costume doit inspirer aux autres peuples. Chapitre 3. Les compradors. Lorsque le Japon a été ouvert aux Européens, ce sont les Chinois qui sont venus. Ils y font bien leurs affaires et surtout mal celles des autres. Parlant anglais ou à peu près, lisant le japonais ou peu s'en faut, ils se sont immédiatement interposés entre les indigènes et les nouveaux venus. Très habiles dans les questions de banque, d'escompte, de change de monnaie, de cours commerciaux, ils se sont fait utiles, commodes, nécessaires, indispensables. Aucune maison européenne n'a pu se passer d'un Chinois. Les Japonais ont forcément utilisé ce truchement, et comme les Chinois ont éminemment le sens de l'association, ils ont formé la corporation des compradors, qui a grandi, s'est imposée, étant à supplanter, au point de vue commercial, et les Japonais et les Européens. Or, qu'est-ce qu'un comprador? Un comprador est un voleur que l'on institue caissier. Ce voleur est patenté, garanti par ses confrères. Il prend sa commission sur tous les paiements, domestiques, douaniers, il a son tant pour cent sur ce qui entre et ce qui sort, sur les affaires manquées comme sur celles qui réussissent, sur les gages des employés comme sur les approvisionnements de la maison. Il suce l'argent par tous les pores, c'est la pieuvre du commerce. Il exploite les goûts, les défauts, les vices de ses maîtres, comme il exploite leur ignorance, leur insouciance, et leur paresse. Il tripote et s'en fait gloire. Si même on lui fait tort d'un vol, il se fâche. Les Japonais le saluent jusqu'à terre et le maudissent. Les Européens l'insultent et le couvrent d'or. Les Japonais travaillent, produisent, inventent et créent. Ils vendent du riz, des algues, de la soie, des objets d'art et ne font pas leurs frais. Les Européens s'ingénient, imaginent, écrivent des courriers, envoient des dépêches, remue le monde entier, pense, s'épuise, achète trop cher, vante à perte, se ruine. Les Chinois président aux transactions, comptent les dollars, en gardent le plus possible, se font gras, paisibles et millionnaires. Mais alors, supprimons le chinois. Ce n'est plus possible. Croyez-vous ? Je voudrais vous y voir. Essayez de vous priver des services d'un comprador, et subitement, tout commerce vous est interdit. Et si le comprador se sauve avec la caisse ? Le lendemain, la corporation rembourse intégralement la somme volée. Eh bien, gardons les Chinois, puisque c'est si commode, si tranquillisant et en même temps si impérieux. Et voilà pourquoi les Chinois passent graves et affairés, spectres blanchâtres de la faillite, glissant le long des murs sombres, en s'éventant avec grâce et s'envoyant au passage des sourires d'intelligence. Chapitre 4. Japonais et japonaise. Si le chinois se couvre d'étoffes claires, le japonais affectionne les vêtements sombres. Sa longue robe carthaginoise, dont les manches pendantes et refermées lui servent de poche, peut, selon les circonstances, prendre toutes les formes. Relevée dans la ceinture, elle rappelle la tunique grecque et laisse les jambes nues, libres d'agir. Si l'on retrousse les manches au-dessus des épaules, on a un péplum élégant sur lequel se détache le contour des bras. Et si l'étoffe n'est que posée et drapée autour du cou, on obtient des effets de chlamyde fort gracieux. Du reste, la population japonaise de Yokohama ne se compose que de portefaix, de manœuvres, de domestiques et de petits marchands. Les grands commerçants, les nobles, les prêtres ne sont pas là. Du temps que les seigneurs ou leurs serviteurs portaient des sabres, ils n'avaient pas même le droit de pénétrer dans le settlement. Maintenant que les gens à sabre sont désarmés, ils ne viennent pas davantage dans la ville européenne où rien ne les réclame. Aussi l'homme du peuple est l'élément dominant et surtout les tireurs de voitures, jinrikis, et les traîneurs de charrettes, charikis. Les uns et les autres sont des gens vigoureux, mais il y a entre eux la différence qui existe entre le cheval de camion et le cheval de course. Le jinriki, attelé à sa petite voiture, légère et élégante, doit courir avec rapidité. Il est svelte, élancé, son torse un peu étroit et porté par des jambes nerveuses et bien faites. Le chariki marche lentement, entraînant à trois ou quatre à la fois une lourde charrette. Il donne à son corps un mouvement d'oscillation et à chaque coup pousse un cri cadencé que quelques-uns répètent à contre-temps pour obtenir la régularité de la mesure et la continuité du chant, tout en prenant le temps de respirer entre chaque exclamation. Ce type est très vigoureux, replet et fort en chair. Ses épaules sont larges relativement et ses jambes toujours nues font à chaque mouvement saillir des vagues de muscles. La femme japonaise est bien la peinture de paravent que nous connaissons déjà. Elle marche, les genoux serrés, traîne les pieds et donne au haut du corps tout le mouvement que l'équilibre réclame, la tête pivotant à chaque pas en sens inverse des épaules. Signe particulier que je n'avais pas prévu, toutes les femmes que je rencontre, vieilles, jeunes femmes ou jeunes filles, portent un enfant sur le dos. Je vois même d'autres moutards portés de la sorte par des enfants presque aussi petits que les bébés qu'ils ont sur les épaules. Où peut-on trouver tant d'enfants que cela ? Il paraît que le repeuplement va bien au Japon. C'est vraiment une impression singulière de se sentir vivre au milieu de ce peuple si vivant et si étrange. À chaque instant, on retrouve un aspect, une pose, un groupe, une scène qu'on a déjà vue sur des faïences ou des peintures. Et la scène est réelle. Le groupe vous sourit, la pose n'est pas une fiction, l'aspect n'est plus un rêve. On se réveille d'un Japon qu'on croyait conventionnel pour entrer, marcher, agir dans un Japon vrai, incontestable, qui vous accueille en ami et ne diffère en rien de celui qu'on voyait en songe. Voici des ponts gracieusement arrondis sur lesquels passent des gens armés d'immenses parasols jaunes. Des amis se rencontrent et se saluent gravement en se courbant en deux. Arrive un groupe de pèlerins revenant de Fusiyama, où ils ont fait leur dévotion au soleil levant, Amaterasu resplendissant et bienfaisant. Leur chapeau immense se tient en l'air sur la tête comme une ombrelle sans manches. Sur leurs épaules se balance la fine natte de jonc qui les garantit de la pluie et leur sert de lit dans les moments de repos. Un kimono retroussé, des guêtres bleues et des sandales de paille complètent le costume, sans oublier les demi-gants qui ne couvrent que le dessus de la main pour préserver du hâle et le grand bâton qui donne à la démarche aplomb et dignité. Fin de la section 2.